et je regarderai comme ça. Soit on le fera dessus, ou sinon, moi, alhamdoulilah, j'ai ce qu'il faut, c'est noté là. Dakhala zamiluka. Dakhala, on dira quoi? Fi'al madhi. Zamiluka, fa'al. Ou le fa'al, on a dit comment? Est-ce qu'il y a un fa'al mansoub? Majrour. Le fa'al, daimun, damma. C'est bon cette expression que je viens de dire? Marfou. Pourquoi il faut dire marfou? Parce qu'on peut dire un marfou avec le waw ou un marfou avec l'alif. Mafou? Alamat al-fa'al, mada naqoul? Raf. Parce que si tu dis par exemple alamat al-fa'al damma, tu vas supprimer le duel et quoi? Et le pluriel masculin. Vous avez compris ça? Quand tu dis darabtu zaydan alamat al-nasr fatha daiman, ce sera bon ça? Non, tu vas nous supprimer quoi? La kasra et le ya. Darabtu par exemple at-talibati. Hein? Vous avez compris ça? Ah, cadre. Vous avez compris le mieux pourquoi de dire alamat al-raf yakun marfou, alamat al-nas mansou, alamat al-jar al-jar majrou. Tout le monde a compris inchallah? Dakhala zamiluka ra'aytu zamilaka qultu li zamilika. طيب جاء ابوك. Voilà le dors qu'on va étudier demain, inshallah. Ja'a fi'l madhi. Abuka, on dira fa'al. Alamat al-raf, on dira quoi? Al-waw. Waw mudaf, wal-kaf mudaf ilayh. Taïb. Abuka, si tu parles à un frère. Si c'était une sœur. Abuki. Taïb. Raitu abaka. Raitu fi'l wa fa'al. Taïb. Wa abaka, tu diras quoi? Maf'ul bi. Wa alamat al-nas al-alif. Waw mudaf, wal-kaf mudaf ilayh. قلت لأبيك فعل وفعل لام حرف الجر أبيك مجرور بماذا؟ بالياء وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قال أخوك لا ممشوز كأبوك. سألت أخاك لا ممشوز كأباك. هذا الكتاب لأخيك لا ممشوز. مفهوم؟ Et ça on le verra demain. Tu peux utiliser أبوك أخوك et حموك que avec des conditions. مفهوم ماذا؟ إن شاء الله on verra ça demain. الكلمات الجديدة طيب سفير جمع سفراء ميا كجدي امباسادور مغلقون fermé c'est à dire la chose elle est fermée non pas le verbe fermé hein. Vous avez compris ça مغلقون اما le verbe ce sera quoi غلق hein غلق شرطي جمع شرطة policier عميد جمع عمدة un patron chef مريض جمع مرضى ملاد متقاعد à la retraite ترك يترك laisser ألف يؤلف composer ou éditer hein? C'est pour ça que si tu vois maintenant من هو المؤلف ce sera quoi l'auteur et ça on le verra dans 3 mashallah comment former celui qui fait l'action hein? ألف c'est éditer celui qui édite مؤلف hein? C'est pour ça si on te dit من المؤلف الكتاب c'est l'auteur et si tu dis من ألف il te demande également qui est l'auteur. Vous avez compris la différence? Al-lafa, c'est le verbe. Et le mot al-lif, c'est autre chose. Vous avez, Inch'Allah? Comment? Sifaratoun, c'est aussi ambassadeur. J'ai pas compris ce que tu dis. Sifaratoun. Sifaratoun, ouais. On n'a pas vu un autre ambassadeur. Il y a une autre façon de l'ambassade. L'ambassade, on a vu. Sifara, Sifara, Safir. Là, c'est pas Sifaratoun. Là, c'est Safir, Allah ybarik fik. Vous avez, Inch'Allah? Il vaut mieux laisser le dars pour demain. Pour pas que ça mélange, parce que c'est. Il y a quand même des conditions. Inch'Allah, barakallahu fikoum.